Get out of here. Voilà, on s'est écouté un deuxième morceau de Phil Minton tout à l'heure. Un morceau qui... Enfin, moi, j'ai vachement aimé, quoi. Je regrette de ne pas pouvoir être à la chorale. Enfin, à la chorale. À l'atelier de trois jours du 22, là. Du 20 au 22. Et moi, ce que j'apprends... Enfin, ça plonge dans l'organique du corps, quoi. Et puis, alors, je ne sais pas comment il fait pour ne pas se bousiller les cordes vocales ou pour pouvoir tenir une heure, mais je ne sais pas combien de temps, mais... C'est impressionnant. Puis ça aura... Enfin, je sais pas, il y a des images mentales qui surgissent. Enfin, il y a des tas de trucs après. Chacun fait sa sauce, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et on a enchaîné directement avec ce qui enchaînera dans la même soirée, donc du 22 novembre au Ring. Un trio avec deux musiciens, deux percussionnistes, Chris Cockburn et Ingar Zack. Chris Cockburn, c'est un musicien qui vient d'Austin, aux États-Unis, qui organise aussi un festival qui s'appelle No Idea Festival. Et Ingar Zack, c'est un musicien qui habite Madrid, mais c'est un musicien norvégien qui a notamment fondé le label Sofa, qui est un label qui édite beaucoup de musique expérimentale aussi. Et là, il travaille en trio avec Gjell Borgensen, j'espère que je le dis sûrement mal, mais qui est un artiste norvégien qui fait du traitement sonore et vidéo. Et le principe, en fait, c'est donc les deux percussionnistes travaillent avec des caisses claires et des petits haut-parleurs sur des phénomènes vraiment vibratoires, comme on a entendu là, du drone, du déphasage, vraiment de la vibration. Et tous leurs sons sont envoyés vers le troisième larron qui vient retraiter ça et à partir de ces sons-là, fabriquer des images qui seront projetées. Une espèce de travail assez méditatif, même si c'est pas forcément le but, mais en tout cas chose qui dans lequel il faut se plonger et qui fera une très belle respiration, je pense, après l'énergie sauvage et brute de Phil Minton avec son Feral Core. Ouais. Ça fera un bon pendant tout doux comme ça de phénomènes qui sur les perceptions aussi auditives, quoi. Voilà, donc ça, on est super content de faire venir ce trio. Ils sont en tournée à ce moment-là, donc c'est des musiciens, notamment Ingar Zack, moi, que je connais un petit peu plus que les autres, qui est vraiment un musicien vraiment important aussi de ces scènes-là, une génération un peu en dessous, un peu plus jeune que Phil Minton, mais qui est vraiment quelqu'un qui a fait plein de choses avec plein de musiciens super. Mm-hmm. Et c'est vraiment c'est des musiciens rares qu'on a peu l'entendre, ouais. peu souvent la chance d'entendre à Toulouse. Ouais, donc à pas rater, quoi. Donc c'est vraiment 22, ça, ouais. La soirée de... bon, toutes les soirées vont être bien, mais la soirée du 22, ouais, ça va être vraiment une belle soirée, quoi. Voilà, donc ça, c'est à Lyon au Ring à 20h30. Vous avez toutes les infos de tarifs, de réservations, tout ça sur le site théâtre de l'acte 2 avec le chiffre 2.com. Voilà. Et le lendemain, on continue au théâtre du Hangar. Donc le théâtre du Hangar, c'est juste derrière la gare. C'est rue des Cheminots. Voilà, rue des Cheminots, c'est entre le boulevard Bonnefoy, enfin juste à la fin du boulevard de Lyon, là, derrière le petit parc là de comment ça s'appelle, le parc de Bonnefoy. De Bonnefoy, voilà, c'est ça. Et la médiathèque, entre les deux. Et c'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est un bel endroit. C'est un joli petit théâtre qui organise notamment le. Tu parlais des beaux parleurs, c'est ça, les parleurs. Des parleurs, ouais. Mmh. Ils organisent un festival au mois de mars qui s'appelle les Buissonnantes. Oui, exact. Qui est vraiment très proche de ce qu'on peut proposer entre action théâtrale, poésie et musique. Mmh. Et du coup, ils travaillent beaucoup les petites formes, beaucoup les solos, les choses comme ça. Du coup, on leur a fait la proposition de gens qu'ils avaient aussi envie d'inviter. Du coup, ça s'est fait tout simplement. On leur a fait une proposition de trois solos, en fait, cette soirée-là. On retrouvera Phil Minton, dont on a déjà parlé, cette fois pour un solo, donc on aura vraiment l'occasion de l'entendre vraiment pour ce qu'il est lui-même, dans le dénuement et l'exubérance la plus complète. Voilà, donc on a déjà parlé de lui. Il y aura Anne Kawala, donc, qui est une poète qui fera une lecture performance. Une poète qui travaille à partir de montage de l'écrit, qui vient des arts plastiques, donc qui travaille aussi à partir du graphique, à partir du son, enfin voilà, qui a plein d'approches dans son écriture. Et voilà, qui a été invité par l'équipe justement de Sonorité, qui eux ont vraiment aussi ce créneau de la poésie, quoi. Et il y aura aussi Marc Baron, qui est un musicien électroacoustique, hein, qui vient de Paris, qui proposera une pièce électroacoustique diffusée sur un petit acousmonium. On va, parce qu'on a un partenariat aussi là pour le festival avec le GMEA, donc est un centre de recherche musicale à Albi. Et du coup, on va avec Benjamin Momus là du GMEA, on va monter un petit acousmonium. Un acousmonium, c'est un petit dispositif de diffusion du son sur haut-parleur. Voilà, il y aura, je sais pas combien, mais il y aura au moins 12 ou entre 12 et 20 haut-parleurs sur scène. Mm-hmm. Qui permettent voilà de déplacer le son dans l'espace, de créer différents plans, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment la demande de Marc Baron, hein, qui pour diffuser sa pièce voilà avait besoin de ce dispositif. Et du coup, c'est une pièce qui s'appelle Napolis Tape, qu'on va pas pouvoir écouter parce qu'on n'a pas ça sur dans l'ordi, mais on a d'autres pièces de lui. C'est une pièce qu'il a composée à Naples en 2016, à la fois à partir d'ambiance de la ville et des prises de son de la ville, mais aussi à partir d'archives qu'il a collectées sur place, des archives audio et des sons électroniques. Et voilà, c'est un travail qu'il a fait sur bande magnétique, donc c'est assez rare aujourd'hui pour le souligner. Il y a peu de gens qui travaillent sur bande magnétique. Il y a encore Jérôme Nottinger qui utilise ça comme instrument, mais c'est vraiment de plus en plus rare. Voilà, et donc la pièce, il va la recomposer là. Il l'a recomposée pour la diffuser dans 15 jours. Donc ça, c'est chouette aussi. Ce sera vraiment une création pour le festival. Donc voilà, ça c'est une soirée, c'est le 23 novembre. C'est jeudi donc. Ouais. Le jeudi 23 novembre, c'est aussi, je pense, à 20h30. Vous avez les infos. C'est à 20h30, ouais. Vous avez les infos sur le site du Théâtre des Hangars. Il y a aussi le site de sonorité.org qui donne toutes les infos aussi. Du coup, vous pouvez avoir les infos de plein de façons différentes. Donc 3 solos, Phil Minton, Anne Kawala, lecture performance, et Marc Baron, diffusion électroacoustique. Pour je le dis tout de suite aux auditeurs, pour le hangar, c'est très souvent plein. C'est une petite jauge, c'est à peu près 60 places. Autant le ring, il y a 200 places, donc voilà, vous avez moins besoin de réserver, même si c'est toujours bien de réserver. Autant le hangar, si vous voulez venir, je vous conseille très fortement de réserver, parce que ça risque d'être plein. Et donc voilà, il faut donner un petit coup de fil ou envoyer un petit mail avant pour être sûr, quoi. Ouais. Et on, voilà. Et on va écouter Marc Baron. Marc Baron. Ouais. Allez. Du coup, voilà, c'était une pièce de Marc Baron, compositeur musique électroacoustique. Donc, on aura l'occasion d'entendre pour une autre pièce qu'il va recréer spécialement pour le festival Noise Sonorité, qu'on aura l'occasion d'entendre le 23 novembre, au Théâtre du Hangar. Voilà, donc le 23, c'est à 20h30. Il faut réserver, c'est au Théâtre Le Hangar. Et c'est une pièce, enfin, c'est une soirée en trois parties. Hein, c'est ça, comme on a trois solos. Filmington. Anne Kawala et Marc Baron. Donc c'est chouette. Et donc la troisième soirée toulousaine du festival Noise de l'édition Noise numéro 7, sonorité numéro 13. On va essayer de s'y retrouver. Ça fait 20. C'est le 24 novembre et on retourne au Ring, qui est vraiment l'organisateur à Toulouse, en tout cas, qui porte le festival Noise. Pour une soirée en deux parties. On parlait de Dominique Repeco tout à l'heure, qui avait le festival était dédié à la mémoire de Dominique Repeco. Il n'y avait pas cette idée, en tout cas en invitant le projet dont je vais vous parler, mais quand même il y a quelque chose, puisque Immensity of the Territory, c'est donc des musiciens qui arpentent le territoire, l'immensité du territoire américain depuis une dizaine d'années, qui sont à troisième spectacle autour de cette thématique. Donc ils voyagent, ils fabriquent une sorte de road movie sonore et visuel, puisqu'il y a aussi des projections d'images, de photos et de vidéos. Et il joue aussi des guitares, et notamment des guitares qui sont motorisées, qui sont manipulées à distance. Donc il y a des guitares qui sont à plat au milieu du plateau. Du coup, voilà, c'est un peu... Peut-être qu'il y aura voilà, une espèce de fugacité. Merde, j'ai le micro qui tremble. Il y aura, voilà, vous voyez, quand on parle des morts, là, d'un seul coup, il y a les choses qui s'agitent. Ouais, ouais. Et du coup, voilà, du coup, on peut y voir comme ça une image de peut-être de... fugace de Dominique Repeco, peut-être dans ses guitares à plat. Voilà, en tout cas, c'est un très très beau projet. Moi, j'avais vu la toute première édition de ce travail il y a une dizaine d'années. Mmh. Donc c'est des musiciens qui viennent de la région de Nantes. Il y a Christophe Havard qui fait de l'électronique, la guitare motorisée à distance, qui fait des prises de son, aussi de la phonographie. Il y a Anthony Taillard, voilà, qui joue lui vraiment des guitares et qui a fait aussi des captations vidéo. Qui joue guitare préparée, guitare électrique, guitare acoustique. Et il y a Charles-Henri Bento, qui joue aussi les guitares à distance et qui a fait le montage et la programmation vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un travail à trois têtes, six mains et beaucoup de guitares. Donc voilà, c'est des musiciens qui, comme je disais, qui arpentent les États-Unis et qui n'avaient pas envie de choisir une étiquette dans leur pratique musicale. Donc il y a autant, ça fait autant référence à la musique répétitive minimaliste américaine qu'au blues, mm-hmm. qu'aux travaux qui sont faits autour de ce qu'on appelle le field recording, c'est-à-dire la phonographie, la prise de son du réel, on va dire. Mm-hmm. Voilà, ça touche à plein de choses. Et en plus, voilà, il y a voilà, des images, des vidéos. Du coup, voilà, c'est vraiment un voyage, quoi. C'est un voyage. C'est un très, très, très beau projet. On est vraiment bien content de les accueillir aussi. Et la soirée finira avec un solo de Christian Wolfhardt. Christian Wolfhardt, qui est un musicien suisse, qui là va jouer exclusivement des cymbales et des objets, qui est un percussionniste suisse, pareil, dans la veine minimaliste, qui a vraiment une attention très fine à tous les détails du son, voilà, qui a une pratique assez, à la fois assez ténu et très tendu aussi par l'attention portée à chaque détail, le rapport au temps aussi. C'est vraiment un musicien très fin qui fait un très beau travail, qui était venu en tournée il y a un an ou deux et Eddie l'avait fait jouer au Caméléon, donc c'est un tout petit bar là à Saint-Cyprien. Et c'est bien dommage parce qu'il y a vraiment peu de monde. C'est vraiment un musicien qui mérite vraiment d'être écouté, d'être découvert, un musicien qu'on connaît pas du tout dans le coin, mais qui, voilà, qui fait plein de choses en Suisse et ailleurs aussi, et voilà, qu'on va écouter d'ailleurs à l'instant là. Donc ça c'est au Ring, voilà, pareil, vous pouvez réserver, voilà, il y a les infos sur le site du Théâtre de l'Acte. Donc c'est le 24, et le vendredi soir. Voilà, c'est le... Peut-être que juste avant de l'écouter ou juste après de l'écouter, on fera un petit récapitulatif et puis on parlera de l'édition de Montpellier aussi, ouais. Les deux jours à Montpellier. Du coup, voilà, on va écouter Christian Wolfhardt, voilà, percussionniste suisse. Thank you. voilà, donc c'était Christian Wolfhart, donc percussionniste suisse, donc qui clôturera l'édition toulousaine du festival Neue Sonorité, donc le 24 novembre au théâtre Le Ring, 151 route de Blagnac, au 7 Denier. Et le festival n'est pas fini, parce que même s'il est fini à Toulouse, il continuera donc à Montpellier et à 7 le week-end suivant, le 2 et 3 décembre. Donc voilà, vous êtes toulousain, mais vous avez envie de vous balader, d'aller un voir peu. La mer. Voilà, d'aller voir la mer. Ben, d'aller soir, d'aller manger des huîtres aussi, à voilà. 7. Et ben vous pouvez continuer ce festival donc le 2 et 3 décembre. Donc le 2 décembre, ce sera une soirée à Montpellier, à HTH, qui est le Centre Dramatique National, Humain Trop Humain, le CDN, Centre Dramatique National de Montpellier. Il y aura une soirée pareil, hein, un peu comme les soirées à Toulouse, qui est à la fois à la frontière entre la musique, le texte, la performance, voilà. Où il y aura donc Julien Dabrigeon, qui est un poète-performeur. Voilà, qui fera une performance en solo. Il y aura Michel Doneda et Lionel Marchetti. Donc Michel Doneda, qui est un saxophoniste qu'on connaît bien à Toulouse, qui joue d'ailleurs en ce moment au Théâtre de l'Acte, au Ring, une pièce du Théâtre de l'Acte qui s'appelle Affrontement, autour de textes d'Henri Michaud, jusqu'à la semaine prochaine, qui était à l'initiative d'ailleurs du Festival Noise. Hein, donc c'est amusant qu'on le retrouve dans l'édition Montpellier-Rennes, qui jouera avec Lionel Marchetti, qui est un musicien électroacoustique, mm-hmm. on va dire compositeur et performeur électroacoustique. Ils ont fait ce duo justement pour une soirée en hommage à Dominique Répéco juste après sa mort, et donc c'était l'occasion un peu de les réinviter aussi. Ça va être de la très belle musique. Et il y aura un spectacle qui s'appelle Havre. Havre, c'est un spectacle de danse, musique et lumière, avec Marie Cambois à la danse, Aude Romary au violoncelle et Jean-Gabriel Valo à la lumière. En fait, Marie Cambois et Aude Romary, elles travaillent depuis 2013 ensemble, et elles se sont mises à travailler donc danse et violoncelle dans l'idée de ne pas faire un spectacle, mais plutôt de faire un travail de recherche sur au plateau, qu'est-ce que ça peut être un corps et un violoncelle au plateau. Et du coup, elles ont travaillé sur une forme d'épure, une sorte de chemin très très lent où le son a le temps de se transformer, le mouvement aussi, mais sans mettre de volonté, sans mettre de volonté de résultat notamment. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est un peu anti-spectaculaire, on va dire. Et elles se sont dit, par rapport à cette forme-là, elles avaient envie de la présenter et en travaillant aussi avec de la lumière pour permettre aussi de guider un peu le spectateur dans cette écoute et dans ce regard. Voilà, donc ça fonctionne comme un trio. C'est une très belle proposition qu'on voulait faire venir à Toulouse, et pour des histoires, justement, ce que je disais au début de l'émission, pour des histoires de date, ça n'a pas pu se faire. Et donc, c'est très bien que ce soit à Montpellier. Enfin voilà, ça c'est un spectacle qu'on aurait aimé faire aux deux endroits, par exemple, ouais. Qu'on aurait aimé faire à Toulouse et à Montpellier. Mais ça n'a pas été possible. Alors, c'est une chouette soirée en trois parties. Hein. Voilà, ça va être une très belle. À 19h. Ça va être une très belle soirée. À HTH, Humain Trop Humain, là, le Centre Dramatique National de Montpellier. Et puis le lendemain, on pourra retrouver Tomoko Sauvage au Centre d'Art Contemporain de 7, Centre Régional d'Art Contemporain de 7. Tomoko Sauvage, c'est une musicienne qui travaille une musique qui est assez fascinante, à partir de bols, d'eau et de petits objets électroacoustiques. Elle travaille, c'est une sorte de diffusion sonore sous-marine. Il y a du feedback avec il y a des micros dans l'eau. Il y a des elle fait avec ses mains, elle manipule l'eau, donc elle fait des sons de gouttes, des choses comme ça. C'est vraiment un très beau travail, assez minimaliste, très fin, et en même temps c'est une installation aussi. Du coup c'est très visuel parce qu'il y a des bols partout dans l'espace. Enfin voilà, c'est un très très beau travail. Ça va aller très bien dans ce centre d'art côté installation. Voilà, donc ça c'est le dimanche 3 décembre à 7. À 15h. À 15h, voilà. Donc c'est en fin d'après-midi. Voilà, donc pour faire un petit récapitulatif sur ce festival Noise Sonorité, donc double édition entre Toulouse et Montpellier, ça a lieu du 22 au 24 novembre à Toulouse. Le 22, c'est au Théâtre de l'Acte, au Ring, voilà. Le 23, c'est au Hangar, et le 24, c'est de nouveau au Ring. Et ensuite, 2 et 3 décembre, le 2 décembre à Montpellier, HTH, et le 3 décembre à 7, au Centre Régional d'Art Contemporain. Mmh. Donc ouais. Vous avez toutes les infos sur le site sonorité.org ou sur le site théâtredelacte.org. Mmh. C'est une super belle programmation, des soirées, voilà. Plusieurs parties chaque fois. Enfin, et puis, pour finir avec la mer et les huîtres. Voilà, et on n'a pas parlé de tarifs, cool. Mais c'est pas très très cher. C'est 12 euros en tarif plein à Toulouse et 8 euros en tarif réduit. Et il y a aussi un pass pour les 3 jours. Mmh. Le tarif réduit, c'est 30 euros. Donc pour, non, ça ne marche pas pour 3 jours. Ouais, je pense que j'ai une coquille là parce que ça fait c'est plus que 8 fois. Ah oui, non, mais les tarifs ont changé parce qu'il y a une soirée de moins. Parce qu'au début, on devait faire 4 soirées. Du coup, enfin bref, en tout cas, il y aura des tarifs aussi. Il y aura aussi un pass 3 jours qui sera plus avantageux. Et essayez de réserver, c'est important. Ouais, voilà. Et avant de faire. Donc là, on peut peut-être s'écouter un petit Donéda. Et puis par-dessus, on fera l'agenda des sonophages parce qu'il y a aussi plein de trucs à Toulouse. Super. D'ici le 22. Carrément. Et du coup, là, on va écouter Michel Donéda avec Eric M. Eric M qui joue des platines. Voilà, un musicien qu'on avait fait venir d'ailleurs l'année dernière à Noise, hein, qui était venu jouer en duo. Et donc voilà, Michel Donéda, qu'on retrouvera à Montpellier, donc avec un autre musicien, avec Lionel Marchetti. Mais voilà, là on s'écoute un extrait d'un concert qu'ils avaient donné, d'ailleurs j'y étais à ce concert, ils avaient donné ça au festival à Albi, au festival du GMEA, qui n'existe plus, qui s'appelait Les Journées Électriques. Ouais. L'heure tourne et je ne veux pas vous laisser partir sans vous donner quelques dates de l'agenda des sonophages, les musiques expérimentales et improvisées autour de Toulouse là, dans la semaine qui vient. Il y a quelques dates dont je voulais vous parler. C'était le 16, c'est jeudi prochain. Ça s'appelle Sur le fil, soirée consacrée à l'expression libre. Donc c'est à Archipel, place Arnaud-Bernard, 19h30. Et donc ça se passe c'est un jeudi par mois. Et ce jeudi prochain, c'est avec que je retrouve mes petits. C'est écrit quelque part ou pas? En général, il y a une première partie avec des musiciens enregistrés, enfin des musiciens, qui sont enregistrés pour la soirée. Et ensuite, il y a une scène ouverte. Je retrouve pas le nom des musiciens de ce jeudi 16 novembre. Bon, tant pis. Comment ça se fait que je l'ai pas? Bon, il n'y a pas le nom des musiciens, c'est pas grave. C'est un duo instrumental avec de la danse et une plasticienne. Donc c'est jeudi 16 à 19h30 à Archipel, place Arnaud-Bernard. C'est vachement bien. On peut manger entre les deux parties. Donc arrivé 19h30, concert première partie 20h et après on peut grignoter un peu. Il y a deuxième partie 21h. C'est vraiment chouette. Voilà, le 18 novembre également, il y a Maxime Petit, l'enquête piétine et surprise. Tu connais Sébastien, non? Pas du tout. Pas du tout. Maxime Petit, c'est basse, psyché, noise, voilà. L'amour et la fin du monde. Super. Ça a l'air bien. Ensuite, il y a l'enquête piétine, multipiste, cassette, indus, noise, etc. Donc, c'est une soirée à la Candela. C'est le 18. Le 20 jusqu'au 22 et ensuite au 24, on en a parlé, c'est les soirées de noise. Sonorité qui se passe au ring et au hangar. Donc là, on en a parlé juste avant. Et un truc qui est important aussi, c'est le 29 novembre, David Lang, ONJ Dédalus. C'est à Albi, par contre. Albi, oui. Ouais. C'est le GMA qui organise ça. Donc c'était le 29 novembre. Voilà, on va vous laisser. C'est l'heure. On se retrouve dans 15 jours. On va faire une émission un peu spéciale dans 15 jours. Parce qu'on va inviter un Hafid Saïdi, qui est poète, qui est sociologue, et on va parler de poésie sociale. On ne parlera pas uniquement, il y aura du son, comme d'habitude, et je crois que ça va être chouette. Donc on vous souhaite une bonne semaine, une bonne quinzaine. Merci Sébastien pour cette heure avec nous. Et inscrivez-vous surtout, réservez au hangar et au ring pour les soirées noise et sonorités qui arrivent là, du 22 au 24 novembre. On se retrouve dans 15 jours. Et bon week-end à vous. Bonne journée, au revoir. Bon, ma pause sur le tour. Bamako Soweto. Getting it.